بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, le samedi 7 Jumada Athaniya de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 31 décembre au 31 décembre 2022. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre lecture dans le fatawa de Cheikh Al-Allama Ahmad bin Yahya Al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cheikh Najmi rahimahullah, c'est le cheikh de beaucoup de nos savants contemporains, notamment parmi ses élèves les plus brillants, les plus connus, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance. Donc, cette compilation de fatawa ont été choisies parmi les fatawa de Cheikh par rapport à des questions qui touchent à la méthodologie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et comme vous avez pu le constater pour ceux qui ont suivi avec nous, ces réponses sont à la fois concises et extrêmement bénéfiques et aident à voir d'une manière pratique ce que c'est manhaj Ahl Sunnah wal Jama'a et d'être en garde contre certaines déviances répandues dans nos sociétés. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par la question, la 36e question dans cette compilation pour ceux qui suivent en langue arabe. Cheikh est interrogé: هل الوصية بقتل الخوارج بقوله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموهم فاقتلوهم. Donc si jamais il y a un souci dans le sang ou la autre chose, le seul moyen où je peux voir ce que vous écrivez, c'est Mixeller. N'hésitez pas à me le signaler, barakallahu fikum. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ces traductions, également écrivez-le. Et si vous avez une question, également écrivez-la sur Mixeller. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Donc, la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam de tuer les khawarij dans sa parole où il a dit idha laqitumuhum faqtuluhum. Si vous les rencontrez, tuez-les. Ce hadith authentique. La question: est-ce qu'on doit comprendre de ce texte ainsi que les autres textes dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de les tuer, de tuer le khawarij, qu'il est autorisé de les tuer pour toutes les personnes parmi Ahl Sunnah wal Jama'a? Yani tous les individus, ils ont ce droit de tuer le khawarij. Ou ce discours est adressé à une catégorie bien déterminée parmi les muslimines. Éclairez-nous, qu'Allah vous récompense de la meilleure des façons. La réponse de Cheikh, donc la question d'abord, il y a beaucoup de textes dans lesquels il a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam authentiquement l'ordre de tuer al-Khawarij. Al-Khawarij, c'est ceux qui se rebellent et qui sortent du groupe des muslimines et qui sortent de l'obéissance à leur gouverneur muslim. On les appelle Khawarij. Et le Khourouj, comme vous savez, ça peut se faire avec la parole comme ça peut se faire avec les actes et avec les armes. car il y en a qui pensent que le khuruj, c'est seulement ceux qui sortent avec les armes et qui s'insurgent contre le gouverneur musulman avec les armes. Le khuruj, ça peut se faire avec les paroles également, comme l'a fait le premier des khawarij dans cette communauté contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dhul Khuwaysira. Et Nabi alayhi wa sallam nous a informé que les khawarij sortiront de sa descendance. Des gens qui récitent le Coran énormément sans avoir la compréhension. Des gens qui font beaucoup d'adoration sans être sur la sunna. C'est pour ça, peu d'adoration dans la conformité à la sunna est meilleure, bien évidemment, que beaucoup d'adoration dans le désaccord avec la sunna. Lakin, celui à qui Allah a permis de faire beaucoup d'efforts dans l'adoration tout en étant sur la sunna, bien évidemment, ça c'est un mérite supplémentaire. Et c'est un très très grand mérite. C'est pas pour minimiser l'importance des actes d'adoration, mais pour montrer l'importance de la conformité à la sunna. Celui qui ne se conforme pas à la sunna, en réalité, ses actes sont vains. Et c'est une perte de temps et une perte d'effort. Il faut le comprendre. Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd. C'est pas la peine de perdre ton temps dans des adorations qui n'ont pas été légiférées. Comme Allah n'accepte que ce qui a été voué, ce qui a été pratiqué sincèrement pour lui, et ce qui lui a été voué exclusivement, également il n'accepte que ce qui a été conforme à la législation de son messager, alayhi salatu wassalam. S'il n'y a pas ces conditions, les actes seront caduques, seront vains, et ils ne te rapprocheront pas d'Allah. Au contraire, ils t'éloigneront d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, agis dans la conformité à la sunna, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et les deux ne peuvent se faire qu'avec la demande de science. Et ça, c'est la partie de science obligatoire pour tout musulman. Et ces khawarij, les premiers d'entre eux, ils se sont éloignés des compagnons, radiyallahu anhum. Ils se sont éloignés de la science. Ils se sont contentés de leurs propres avis, de ce qu'ils ont compris par eux-mêmes, alors que beaucoup d'entre eux, c'était même pas des arabes, des purs arabes, comme l'étaient les compagnons, radiyallahu anhum, dans leur grande majorité. En plus de tous les autres bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés. Ils ont pris la compréhension des textes du prophète, alayhi salatu wassalam, directement. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez des gens qui s'éloignent de la voie des savants, et qui s'éloignent de la voie des salafs, ne vous étonnez pas, car leurs prédécesseurs se sont éloignés des savants de leur époque qui étaient les compagnons. Et il n'y avait pas un compagnon avec le khawarij. Allahu Akbar. Wallahi, c'est immense de savoir qu'il n'y a pas un seul sahabi qui a dévié dans les innovations. Pas seulement dans cette bid'a, dans aucune bid'a. Ça vous montre le mérite des compagnons et le mérite de leur compréhension de la religion et le mérite de leur manhaj, qui est le manhaj du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, Cheikh est interrogé, est-ce que dans ces textes, on doit comprendre que toute personne a le droit de tuer le khawarij là où elle les trouve? La réponse de Cheikh. Il n'y a pas de doute que le Khawarij sont une secte innovée et égarée. Ce sont des innovateurs et des égarés. Il n'y a pas de doute en cela. Mais il n'est pas autorisé de les tuer par n'importe quel musulman. Mais ceci est réservé à celui qui détient le pouvoir parmi les musulmans, c'est-à-dire les gouverneurs. Si on dit que chaque individu il peut les tuer, partout il les trouve, ça va créer le désordre et l'anarchie. Et ça, aucun savant ne l'a dit. Ce discours, il s'adresse aux gouverneurs musulmans, ceux qui repoussent le mal de l'Khawarij, notamment avec ses sanctions. Et ensuite, Cheikh a donné une recommandation au gouverneur d'agir avec le Khawarij en deux étapes, selon deux étapes. Et ça, c'est ce qui est pratiqué en Arabie Saoudite. La première étape, c'est que l'État envoie l'État dans lequel se trouvent des Khawarij, envoie des hommes de science qui leur clarifient la vérité et qui les appellent à la sunna et qui leur rapportent les preuves de leur égarement. Ça, c'est la première étape. Si, après cela, ils persistent sur leur égarement et ils n'acceptent pas la vérité, il ne revient pas à la sunna. Et après que ce comité ait fait son maximum avec eux, pour les ramener à la vérité, à la guider, à ce moment-là, ils appliquent contre eux cette sanction. Mais nous ne disons pas de les tuer directement. Ça, c'est une erreur. Tout d'abord, on doit les appeler à la vérité. Car Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il ne les a pas tués qu'après leur avoir fait la da'wah. Il leur a envoyé son cousin, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui leur a fait da'wah dans ce débat très connu. Car les versets de le Coran, certains parmi eux, sont implicites et leur sens est équivoque. C'est pour ça on est tenu de leur faire da'wah, tout d'abord pour lever ces ambiguïtés et dissiper ces ambiguïtés par lesquelles ils sont touchés. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, effectivement, il a fait ce débat contre le Khawarij, et un grand nombre parmi eux est revenu à la vérité, et resté une partie d'entre eux, que Ali, radiyallahu anhu, a combattu par la suite. Et Ali radiallahu anhu, même après ce débat, il les a combattus après qu'ils aient tué un grand compagnon qui est Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat radiallahu anhu. Ils l'ont tué lui et sa servante. Il avait une servante, une jariya, surriya. Ils ont tué les deux. Ali radiallahu anhu a demandé aux Khawarij de lui donner ceux qui ont tué Ibn Khabbab et sa servante. Ils ont dit, tous on les a tués. C'est-à-dire on a participé tous dans ce meurtre. Il y en a qui ont participé directement, il y en a qui ont participé avec leur approbation de ce crime. Et ils ont refusé de donner les criminels qui ont commis ce meurtre. c'est après cela qu'il les a combattus. Radiyallahu anhu arda. La question suivante. هل الخوارج خالدون مخلدون في نار جهنم؟ Est-ce que les Khawarij seront éternisés dans le feu de l'enfer? C'est-à-dire, est-ce que leurs actes les font sortir de l'islam? Ou font partie des pécheurs de cette communauté qui seront châtiés proportionnellement à leurs péchés et qui iront au paradis par la suite? Est-ce qu'ils font partie des 72 sectes que le prophète alayhi salatu wasalam a mentionné dans ce hadith, dans son hadith ou pas? Donc la question, est-ce que le Khawarij c'est des musulmans ou des kuffars? Et est-ce qu'ils font partie des 72 sectes que le prophète alayhi salam a mentionné dans le hadith? Parce que le prophète alayhi salam a mentionné que des musulmans. Les 72 sont des sectes qui se sont égarées et qui ont dévié de la sunna, mais ils sont toujours dans le cercle de l'islam. C'est pour ça les sectes mécréantes ne font pas partie des 72. D'où la question de cette personne qui veut savoir est-ce que le Khawarij font partie de ces 72. Car si on dit que c'est des mécréants, la grande mécréance, ils font pas partie de ces 72 sectes. La réponse de Cheikh. Il dit que la réponse à cette question est basée sur l'avis concernant le Khawarij. Est-ce que ce sont des mécréants ou pas? Si on dit que ce sont des mécréants, alors ils seront éternisés en enfer, comme tous les autres mécréants. Et si nous disons que ce ne sont pas des mécréants, mais ils sont tombés dans une petite mécréance, à ce moment-là, nous dirons que ce sont des monothéistes, des mouahidines, qui sont menacés par le châtiment de l'enfer à cause de leurs péchés et de leurs crimes. Ensuite, ils sortiront de l'enfer, comme tout mouahid, après la purification et la purification par le châtiment, si Allah ne leur pardonne pas. Ils sont sous la volonté d'Allah. S'il veut, il les châtie proportionnellement à leur péché, et si Allah il le décide, il leur pardonnera. Donc, comme tout pécheur de cette communauté. Et Cheikh, il n'a pas donné un avis plus fort que l'autre dans cette réponse. Mais comme vous savez, la plupart des savants ne considèrent pas le Khawarij comme des mécréants, la grande mécréance. Ils disent qu'ils sont tombés dans la petite mécréance. Sauf, ça c'est le jugement, il y a un point très important. Quand on dit que l'Asha'ira, c'est des muslimines. Al-Khawarij, c'est des muslimines. Ça ne veut pas dire que tout Khariji, tout Ash'ari est un muslim. Mais ça, c'est une règle générale. Et qu'on appliquera à chaque individu parmi eux, jusqu'à preuve du contraire. Car on peut trouver un Ash'ari qui a des croyances vis-à-vis d'Allah qui le font sortir de l'islam. Comment on peut trouver un khariji qui rend licite ce que Allah a interdit, notamment le fait de tuer un musulman? Non seulement il le fait en ayant une interprétation, une shubha, une ambiguïté, il pense que c'est pas un musulman. Non, on peut trouver certains qui savent que c'est un musulman, mais pour lui c'est autorisé de le tuer. Ça s'appelle istihlal. Et ça, chacun qui a cette croyance de l'istihlal, il sait. C'est quoi l'istihlal? L'istihlal, la personne, elle dit, je sais qu'Allah a interdit al-riba. Pour moi, à notre époque, le riba doit être autorisé. Il sait très bien qu'Allah l'a interdit d'une manière claire. Donc il connaît le jugement d'Allah. Et lui, il adopte un jugement opposé à celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec science. Ça, c'est l'istihlal. Et c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam. Même s'il fait jamais de riba dans sa vie. Quelqu'un qui dit, l'alcool, je sais qu'Allah a interdit al-khamr. L'alcool, le vin. Mais pour moi, si je le consomme avec modération, il n'y a pas de mal. Il connaît le jugement d'Allah, il le change avec science. Ça s'appelle istihlal, comme bien même il boit jamais d'alcool dans sa vie. Et ça, c'est une croyance de grande mécréance qui fait sortir de l'islam. Même s'il n'y a pas un acte, même si elle n'est pas accompagnée d'actes. À l'inverse, on peut trouver quelqu'un qui fait le riba, donc il y a l'acte. Mais il n'y a pas la croyance. Pour lui, Allah a interdit le riba, mais il affaiblit. Il a besoin d'une maison, ou il a une choubha, il y a un savant qui l'a autorisé, sous certaines conditions. Ça ne fait pas sortir de l'islam, mais ça reste dans le cadre des grands péchés. Donc, le Khawarij, comme a dit Ali radiallahu anhu, quand ils lui ont demandé est-ce que c'est des mécréants, il a dit, min al-kufri farro. Ils ont fui la mécréance. Ikhwanuna baghaw alayna. Nos frères, qui nous ont fait du tort. Yani, ils les considèrent comme des muslimines. Lakin, ce qu'ils ont fait, c'est clair que c'est parmi les pires choses qui ont été commises dans l'histoire de l'islam. Et c'est pour ça, ils font partie des plus graves innovateurs. Et leur mal, il continue jusqu'à nos jours contre la Oumma de l'islam. Et ne vous étonnez pas que ces Khawarij sont financés par les ennemis de l'islam, par des états mécréants, pour salir l'image de l'islam et faire fuir les gens de l'islam. Mais leurs ruses et leurs stratagèmes se retournent contre eux, le plus souvent. Et la bonne fin est pour ceux qui s'attachent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, les croyants sincères. La question suivante. Est-ce qu'il est autorisé de faire de la médisance à l'égard des innovateurs, des gens de la passion, des innovateurs? Et après, il lui a demandé, par rapport à ce qui s'est passé en Algérie, ceux qui se sont rebellés contre le gouverneur, est-ce qu'on les considère tous comme des khawarij ou non? La réponse de Cheikh. Ou avant de commencer la réponse, comme vous savez, al-riba est un grave péché. Et la règle, c'est que tu ne dois jamais citer d'un croyant, d'un musulman, quelque chose qu'il déteste, que tu dises de lui, en son absence. Car ça, c'est une riba, même si c'est une vérité. C'est un grand péché. Et si tu lui dis en face, en présence de personne, ou là, elle est dans une assemblée ou là des choses comme ça, c'est pas une riba, mais c'est un autre péché. Ce qui est demandé, c'est le conseil. Le conseil, c'est que tu le prennes de côté, toi et lui, et tu lui dis les choses qui lui sont reprochés. Et tu le conseilles, c'est ça le conseil. Le conseil, c'est d'aimer pour ton frère ce que t'aimes pour ta personne. Et ça, ça te coûte rien. C'est pour ça, celui qui n'a pas ce degré, sa foi est faible. Celui qui n'arrive même pas au degré d'aimer pour ses frères ce qu'il aime pour sa personne, tout en sachant que ça lui coûte rien, alors il n'a pas atteint le degré de foi complet, le degré obligatoire de la foi. Le degré obligatoire de la foi. C'est-à-dire, il y a une faiblesse dans sa foi. Et les gens peuvent varier à ce niveau-là. Le Nabi alayhi sallam a dit, « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. » Il ne croira pas l'un d'entre vous, c'est-à-dire il n'atteint pas le degré obligatoire de la foi, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa personne. Beaucoup de personnes pensent que ce degré nécessite que tu lui donnes des bienfaits qu'Allah t'a accordés. Non. Ici, il est question uniquement d'aimer pour lui ce que t'aimes pour ta personne. Ça te coûte absolument rien. C'est pour ça, c'est un degré obligatoire qui fait diminuer ta foi en dessous du degré obligatoire. Mais que tu partages avec lui, ça c'est un degré supérieur, qui n'est pas obligatoire, mais qui est recommandé, mais il peut être obligatoire dans certaines circonstances. Mais la base, c'est que c'est pas obligatoire, c'est seulement recommandé. C'est pour ça, ne blâme jamais personne parce qu'il a pas partagé avec toi. Et ne regarde jamais ce qu'il y a entre les mains des gens. Oriente-toi vers le Créateur qui leur a donné. Il est capable de te donner. Donc, est-ce que quand tu parles d'un innovateur, c'est une riba ou pas? La réponse de Cheikh. Il n'y a pas de doute qu'il est autorisé de parler des gens de l'innovation. Il est autorisé de parler d'eux quand l'intention est la mise en garde contre leurs innovations. Écoutez bien. C'est pas parce que c'est un innovateur que tu vas dévoiler des choses cachées chez lui, des péchés qu'il commet chez lui. Non. Tu vas parler de son innovation à laquelle il appelle les gens. Et tu vas te limiter à ça. Avec l'intention, pas avec l'intention de le dénigrer, de le rabaisser, de montrer que tu es meilleur que lui. Tout ça, c'est pas des bonnes intentions. La bonne intention, c'est de préserver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala de son innovation et de mettre en garde les gens contre cette innovation. Car la médisance, qui est haram à la base et qui fait partie des grands péchés, est autorisée dans 6 cas. Le premier, c'est la mise en garde. Mais dans la mise en garde, comme on a vu, tu te limites à la chose par rapport à laquelle tu fais la mise en garde. C'est pas parce que c'est un mubtadi que tu vas t'asseoir et tu vas parler de lui et de certains détails dans sa vie, de comment il est physiquement, de certains défauts qu'il a que les gens ne connaissent pas. Non. Un mubtadi qui appelle à une bid'a, tu mets en garde contre son innovation. et tu crains Allah dans ce que tu lui attribues, ça reste un musulman. On parle d'une innovation qui ne fait pas sortir de l'islam. Ça reste un musulman. Son honneur doit être préservé. Sauf dans ce point où c'est autorisé de parler de lui. Mais ce n'est pas parce que c'est autorisé de mettre en garde contre son innovation que tu vas rentrer dans d'autres domaines où ceci n'est pas autorisé et reste dans la base de l'interdiction. Et on ne va pas mettre en garde pour nous moquer d'une personne. Quand tu vois une personne dans l'innovation, la première chose qui doit te venir à l'esprit, après avoir détesté cette innovation, et après avoir détesté cet innovateur, proportionnellement à son innovation, à sa gravité, et on ne déteste pas un innovateur musulman comme on déteste un mécréant, mais après avoir détesté son innovation et après l'avoir détesté lui-même, car il y en a, ils disent tu détestes l'innovation et tu ne le détestes pas lui. Ça, c'est faux. L'innovation, elle marche toute seule sur terre, elle a des pieds. C'est lui qui la propage. Donc, tu dois le détester proportionnellement à son innovation. Et tu détestes son acte qui est contraire à la sunna. Après cela, tu dois te rappeler le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi pour t'avoir préservé de tomber dans le même égarement que lui. Car t'es pas sauvé de cet égarement par ton intelligence ou par ton niveau de science. T'es sauvé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelle-toi ce point et ne l'oublie jamais. Ça t'empêche de le mépriser ou de te moquer de lui. Non, on se tient à ce qui est autorisé. C'est une religion. Le détester en Allah, c'est une religion. C'est une adoration. Donc il y a six choses qui font exception de la médisance haram. Il y a six choses, je disais, qui font partie, qui sont des exceptions à cette médisance haram, que Salaf appelait la médisance halal, la médisance licite, autorisée. Et ces six choses, la première, c'est la mise en garde. La mise en garde. La deuxième, c'est l'istifta. Quand tu demandes un avis religieux à un cheikh, des fois, tu es amené à lui citer les défauts d'un musulman qu'il déteste, que tu dévoiles. Mais là, tu n'as pas le choix. Pour avoir la réponse juste, tu dois citer ces éléments, donc c'est autorisé parce que c'est une nécessité. Et vous constatez que toutes ces choses-là, c'est des nécessités qui rendent autorisé ce qui est haram à la base. Comme manger de la bête morte. Comme manger de la bête morte. Quand t'es affamé dans un désert, tu trouves pas quelque chose de halal à manger, tu vas mourir de faim. Tu trouves une bête morte, tu as le droit de manger de cette bête morte. Et tu vas manger de cette bête morte, ce qui te permet de maintenir ta vie. Donc c'est une nécessité qui te rend autorisé ce qui est haram, et la consommation sera proportionnelle à la nécessité. C'est la même règle ici dans l'innovation. L'istifta, at-tavallum, quelqu'un qui t'a fait une injustice, qui t'a fait du tort, quand tu te plains contre lui auprès d'une personne qui est capable de te rendre ton droit, Et c'est pas, tu vas raconter sa vie à tout le monde. Tu vas te plaindre auprès d'une personne capable de te rendre ton droit. Là également, tu seras amené à citer certains de ses défauts, notamment son injustice. Et celui qui pratique ouvertement un péché, publiquement, quelqu'un qui fume devant les gens, il n'y a pas de médisance à dire que c'est un fumeur. Et on a vu combien, tahdhir, istifta, tadhallum, al-mujahara. Le cinquième, c'est at-ta'rif. Quelqu'un qui n'est connu qu'avec un surnom dans lequel il y a comme un de ses défauts. Par exemple, tous vous connaissez al-a'mash ou al-a'raj ou de dire de quelqu'un al-a'war, quelqu'un qui est borne, quelqu'un qui boite ou autre chose comme ça. Ça, c'est autorisé dans le cas où les gens ne le connaissent pas qu'avec ce surnom. Et lui, il ne le déteste pas. Ça, c'est autorisé également. Et le sixième et le dernier, quelqu'un qui veut de l'aide pour changer un mal. Il y a un mal qui est pratiqué dans un endroit. Il n'est pas capable de le changer tout seul. Il demande de l'aide à quelqu'un. Forcément, il va lui citer les défauts de la personne qui commet ce mal pour venir l'aider à changer ce mal. Regardez ces six cas, tous des bonnes intentions pour lever un mal, pour changer un mal, pour mettre en garde contre un mal et ainsi de suite. Donc ça, c'est des nécessités qui vont rendre autorisé l'honneur d'un croyant pour une raison, yani parmi ces six raisons. Donc il y a la mise en garde. Donc si celui, chéri, poursuit en disant, si celui qui parle de ses innovateurs et son intention c'est de mettre en garde contre leurs innovations et d'alerter les gens contre leurs égarements, ça c'est pas haram. Mais par contre, chéri poursuit en disant « Amma idha kana ala sabil al-tafakkuhi »« Idha kana ala sabil al-tafakkuhi »« Fi a'radin nasi fala yajouz » Par contre, si c'est pour faire passer le temps et pour se moquer des gens et pour dénigrer les gens, c'est pas autorisé. Il répond à ceux en Algérie, dit أَمَّا الَّذِينَ دَخَلُوا فِي الْجَزَائِرِ فَمَا قَتَلُوا الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ كَفَّرُوهُمْ وَمَا نَسْمَعُهُ فِي الْإِذَاعَاتِ وَالصُّحُفِ مِمَّا تَفْعَلُهُ الْعِصَابَاتُ الْإِسْلَامِيَّةِ كَمَا يُقَالُ مِنَ الْإِغْتِيَالَاتِ وَالْقَتْلِ الْجَمَاعِي وَالْقَتْلِ جَمَاعِيًّا وَفَرْدِيًّا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَأَنَّهُمْ بِهَذَا قَدْ شَوَّهُوا صُورَةَ الْإِسْلَامِ نسأل الله أن يعاملهم بما يستحقون. Par contre, ceux qui, en Algérie, ils se sont insurgés contre le gouverneur, ils ont tué les muslimines. En réalité, ils n'ont tué ces muslimines qu'après les avoir rendus mécréants, qu'après les avoir taxés de mécréance. Et ce que nous entendons dans les radios, nous lisons dans les journaux de ce que ces brigands, ces criminels font au nom de l'islam parmi les meurtres, yani que ce soit des meurtres en groupe ou individuels. En réalité, ils ont sali l'image de l'islam avec leurs actes, ne demandant à Allah de les traiter comme ils le méritent. Ne demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de les traiter comme ils le méritent. Fin de la réponse de Cheikh. Combien de temps est passé? Taïb, on prend la 39e question. Je vais la résumer. Ils ont dit, nous avons entendu parler d'une cassette qui a été propagée parmi les jeunes, des inconnus qui propagent et qui distribuent cette cassette dans laquelle est visé un savant parmi les savants salafis. Et ils ont précisé que c'était Cheikh Rabi'i, où ils ont cherché à salir son image et à lui attribuer des choses yani graves. Est-ce que vous avez une recommandation par rapport à ce sujet et ceux qui distribuent cette cassette? Cheikh a dit dans la réponse, cette cassette dont vous parlez, c'est quelque chose qui a été propagé par des gens qui ont de la haine contre Ahl-Sunnah wal-Jama'a et qui en veulent aux savants de la da'wa salafiyya et aux shuyukh de la da'wa salafiyya. Et ce cheikh qui est visé, c'est un cheikh parmi Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Cheikh, il parle de Cheikh Rabi'i. Et parmi les savants qui combattent les innovations et qui propagent la sunna, celui qui dit l'inverse de ça et qui veut le dénigrer, en réalité, il veut que les innovations se propagent. Il veut que les innovations se propagent. Donc, il n'est pas autorisé de propager cette cassette. Et par la même occasion, nous disons que personne n'est infaillible. Personne n'est à l'abri de l'erreur. Regardez comment Ahl-Sunnah y sont. Même s'il a énormément d'estime, énormément d'admiration pour son élève, qu'il dit souvent le considérer comme son cheikh, malgré qu'il a étudié auprès de lui, et ça c'est de la modestie de Cheikh Najmi rahimahullah, et ça montre le grand estime qu'il a pour Cheikh Rabi' hafidhahullah, pour tous ses efforts dans la défense de la sunna. Mais personne n'est à l'abri de l'erreur. Ramenez-nous les preuves comme quoi il est tombé dans une erreur, et il sera le premier à revenir sur cette erreur, Cheikh Rabi' lui-même. Mais d'accuser les savants salafiyin à tort, sans preuve, sans fondement, ça c'est pas toléré. Et ça c'est les méthodes des innovateurs. Regardez cette question qui doit dater de plus de 17 ans. C'est comme ça les innovateurs y font. Et c'est comme ça qu'ils font à notre époque également. Ils critiquent les savants salafiyin sans présenter les preuves et les arguments. Il dit, nous demandons à Allah de dévoiler ces gens-là. Et parmi leurs méthodes, c'est qu'ils vont prendre une phrase et ils vont la sortir de son contexte. Et ils vont la propager pour laisser entendre autre que ce que Cheikh a voulu dire. Mais au pire, si Cheikh il a commis une erreur, ramenez-nous les preuves et tout savant salafi reviendra, Inch'Allah, à la vérité. C'est ça le savant salafi. Si le savant salafi ne revient pas sur son erreur, c'est qui va revenir sur son erreur? Si le savant salafi ne donne pas l'exemple aux étudiants, aux salafiyines, en revenant sur son erreur, c'est qui va le faire? C'est pour ça que nous savons, alhamdoulilah, ce qu'on connaît d'eux, quand il y a une erreur, même si c'était pas voulu. Il y en a des fois, tu peux parler avec une chose et tu le pensais pas. Tu pensais pas cette chose-là. Mais c'est sabqu qalam ou sabqu lisan. Malgré ça, as-salafi revient. Il s'excuse. Et il ne rentre pas dans des polémiques. Oui, j'ai voulu dire ça. Non, j'ai pas voulu. Et il divise ses frères. Ça te coûte rien de revenir sur ton erreur. Au contraire, ça t'élève auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne laisse pas Shaitan te faire croire que ça va te rabaisser, ça va diminuer ta valeur chez les salafiyines. Regarde d'abord ton statut auprès d'Allah, ton estime auprès d'Allah. Mais ça, c'est la dernière des choses qu'on regarde. Wallah al-musta'an. La question suivante. Quel est votre avis concernant celui qui réfute les erreurs qu'il y a dans les livres de Sayyid Qutb et de Hassan al-Banna et de Mustafa al-Siba'i et d'autres parmi ceux qui ont des erreurs qui touchent à la croyance du muslim? Et à l'encontre de cela, on trouve certains qui disent qu'il n'est pas autorisé de réfuter leurs erreurs, car ils ont fait des efforts d'interprétation. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Wa jazakumullahu khaira. Il dit, cheikh, dans la réponse, Al-haqiqa, inna ha'ulai, indahum akhta'un fahishatun fil aqidah. En réalité, ces gens-là qui ont été cités dans la question et leurs semblables, ils ont des erreurs gravissimes dans le dogme, dans la croyance. Et le devoir de tout musulman, même le devoir des hommes de science, c'est de montrer la vérité. Et de montrer leurs erreurs, afin que les gens soient en garde. Par contre, ceux qui disent qu'on ne dit rien et on se tait sur le blâme du faux et des erreurs jusqu'à ce qu'elles se propagent, ça, c'est pas autorisé. Au contraire, celui qui réfute ses égarements et ces gens de l'égarement, il est considéré comme quelqu'un qui lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. On termine avec cette question. Ils lui ont parlé de certains jeunes qui étaient, avant ils étaient avec des sectes égarées, des hizbiyines. Et pendant qu'ils étaient avec les hizbiyines, ils étaient très dynamiques, très motivés dans la da'wah, dans la récitation de le Coran, ils étaient motivés à collecter des aides et à des dons, à les distribuer à des pauvres et des nécessiteux, et ainsi de suite. Et quand Allah les a guidés vers la sunna, ils ont faibli. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés vers la sunna, ils ont faibli dans leurs adorations. Après avoir connu la vérité, notamment à travers les recommandations, c'est des jeunes de la région de Sheikh, ils lui ont dit à travers les recommandations de vos recommandations et les recommandations de Sheikh Zayd bin Hadi al-Madkhali, rahimahullah. Donc ils ont eu une certaine négligence, laxisme dans leurs adorations, au point où tu les voyais arriver en retard à la prière en groupe, à la prière obligatoire. Quelles sont vos recommandations pour ces jeunes-là? Il dit, subhanallah, pourquoi ils ont faibli dans la da'wah, alors que quand ils étaient touchés par des égarements et ils étaient avec le hizbi, ils étaient dynamiques et actifs. Et que quand ils ont connu le manhaj salafi, ils ont faibli. Au contraire, celui qui est sur la sunna, il doit œuvrer. Et son œuvre a énormément de mérite, même si ce sont des petites œuvres. Leur devoir, c'est de redoubler d'efforts dans la da'wah, selon leurs capacités, et de multiplier les efforts également dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'appeler les gens à la vérité avec clairvoyance, avec science, de les appeler à la voie de salaf. Et ce phénomène, en réalité, on le constate chez certains de nos frères. Tu le trouves avec Tablir, il sort, il part, alors que c'est dans le bid'a. Et quand il est avec Al-Sunnah Al-Jama'a, il fait plus d'efforts. Al-Da'wa, c'est pas une bid'a. C'est Da'wa, la méthode de le Tablir. Amma Da'wa, avec science, selon ce que tu connais, pourquoi tu vas pas dans ton quartier et tu parles aux jeunes pour les ramener fil masjid? Et si tu as la capacité, ou s'il y a un autre frère qui peut leur faire des cours de tawhid, et c'est par ça qu'on doit commencer notre da'wa, et ne pas tomber dans les erreurs de tablir. Des gens ignorants qui voyagent, qui délaissent leur famille, qui abandonnent leurs proches, soi-disant pour aller faire da'wa au Brésil. Commence par toi-même, apprends. Commence par ta famille, par ton épouse, par tes enfants, les gens de ta famille, les gens de ton quartier, et ainsi de suite. Et élargis le cercle petit à petit. Plus ta science elle s'élargit, plus t'élargis le cercle. Amma de faire da'wa avec ignorance, ça c'est une da'wa à l'égarement. Lakin, pourquoi un salafi, il ne va pas faire da'wa à ses frères dans son quartier? Ça c'est pas une bid'a, c'est une sunna. Pourquoi il consacre pas, par exemple, 50 euros par mois, il achète des petits livres ou là des fascicules adaptés à des jeunes débutants pour leur faire découvrir le manhaj salafi, pour leur enseigner tawhid? S'il n'est pas capable de faire des cours, il peut le faire par ce biais. Pourquoi il crée pas un groupe WhatsApp dans son quartier avec des jeunes dans lequel il leur envoie des rappels? 2 fois, 3 fois par semaine, des rappels sur Tawhid, sur l'importance de Sunnah, sur la miséricorde et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas une bid'a. Bid'a, c'est de sortir avec Tablir. Sortir de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, pourquoi on fait pas de da'wa en donnant des cadeaux? Da'wa en l'invitant à manger un sandwich? Car ça, c'est plus facile pour qu'il accepte de toi par la suite. Ça aussi, c'est des méthodes que le Nabi alayhi sallam utilisait dans sa da'wa. Et ce sont pas des innovations. C'est pas tout ce que Tablir fait est une innovation. Mais c'est une innovation de t'affilier à cette secte égarée. Mais fais da'wa comme tu peux, avec les moyens qu'Allah t'a mis à ta disposition, selon ta capacité, selon ton temps, tes disponibilités. Ça, c'est une sunna. Donc, remercie Allah sur cette ni'ma de t'avoir guidé vers le manhaj salafi et sois actif dans la da'wa comme tu peux. Da'wa, c'est pas forcément d'être un imam dans une mosquée, un khatib dans de l'jumu'ah. Da'wa, tout musulman doit faire da'wa selon sa capacité et ne pas dépasser son niveau. Et de commencer par soi-même et ainsi de suite, comme j'ai expliqué. Qu'Allah nous utilise dans ce qu'il aime et ce qu'il agrée, et qu'Allah nous accorde la science bénéfique et profitable, et nous facilite les œuvres pieuses et acceptables, et nous accorde la sincérité et la conformité à la sunna dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous croyons, et qu'il nous fasse mourir sur tawhid pur et la sunna authentique de notre prophète alayhi salatu wassalam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.